Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Le divorce international est le nouveau divorce par consentement mutuel. On sait que le divorce par consentement mutuel a été modifié le 18 novembre 2016 et entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017. D'une manière générale, le divorce par consentement mutuel ne fait plus l'objet d'une procédure devant le tribunal, sauf exception, comme j'ai pu le dire dans une précédente chronique. En effet, lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention qui prend la forme d'un acte sous signature privée, contresigné par leur avocat. Et cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire. Cependant, ce divorce est-il adapté lorsqu'un des deux époux demeure à l'étranger ou lorsque l'un des deux époux a une nationalité étrangère? Une grande vigilance doit se poser dans ce cas et réfléchir à l'opportunité d'un divorce judiciaire. La France est liée par des conventions internationales et des conventions bilatérales. Or, ces conventions visent des jugements de divorce, mais pas un divorce sous signature privée devant un notaire. Les conventions internationales signées par la France ignorent donc ce nouveau type de divorce, ce qui pourra poser des problèmes de reconnaissance ou d'exécution du divorce à l'étranger. Dans certains pays, seul le divorce judiciaire existe. Ainsi, il ne sera pas possible de rendre le divorce devant notaire exécutoire dans ce pays étranger. Même à l'intérieur de la communauté européenne, les difficultés sont nombreuses. À ce jour, il ne semble guère possible de faire exécuter dans un autre pays de la communauté européenne les dispositions relatives aux pensions alimentaires ou à la prestation compensatoire contenue dans un divorce par consentement mutuel. Concernant les mesures relatives à la résidence des enfants, des problèmes d'adaptation des textes se posent également. Les documents à produire n'existent pas encore. Il s'agit d'un certificat multilingue qui n'a pas encore été adapté pour tenir compte de la nouvelle loi française. En pratique, la nouvelle procédure de divorce par consentement prévoit que chaque avocat doit envoyer le projet de convention à son client par courrier avec accusé de réception. La convention ne peut être valablement signée qu'à expiration d'un délai de 15 jours de la réception du recommandé. Il s'agit là d'un délai prescrit à peine de nullité. L'avocat devra donc demander à son client le retour de l'avis qui devra être joint au dossier puisque le notaire devra vérifier la régularité. Il peut y avoir là une source de difficulté lorsqu'un des époux réside dans un pays qui ne renvoie pas ou met des mois à renvoyer l'accusé de réception d'un recommandé international. Ces difficultés auxquelles il semble que le législateur n'ait pas pensé seront sans doute réglées dans un avenir plus ou moins proche. En attendant, en l'état actuel des textes, il est plus prudent en cas de divorce international de recourir à la procédure de divorce judiciaire, le divorce accepté. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.